L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 20 septembre, rendez-vous place Nelson Mandela à Nancy pour la journée mondiale Alzheimer. C'est organisé par France Alzheimer 54. Sophie Eva Mazur, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de France Alzheimer 54. Ce rendez-vous, il est attendu par l'association? Alors ce rendez-vous, il est attendu toutes les années. C'est notre journée mondiale. Et cette année, il est d'autant plus attendu que nous avons la signature très importante de Madame Chaynès Khairouni, présidente du département, pour signer la charte département aidant Alzheimer. Alors, on va y revenir. Oui. Rappelons rapidement quand même le rôle de France Alzheimer 54 sur le département, même si ça fait de très nombreuses années que l'association existe. Ça fait 5 ans qu'on a réellement repris l'association, depuis 2020. Actuellement, nous sommes sur 3 lieux distincts, donc sur Pulnois, où est notre siège social, sur Toul et sur Lunéville. Et nous aidons les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc, nous sommes là pour elles, pour leur apprendre à profiter de la vie malgré le diagnostic tombé. C'est un grand lieu de rendez-vous pour tous nos aidants et nos aidés, ce qui est très important. On organise des ateliers toute la semaine à Pulnois, et puis sur Toul et sur Lunéville aussi. Donc des ateliers à la fois pour les personnes touchées par la maladie, mais pour les aidants, ce qui est le rôle le premier de l'association France Alzheimer, c'est d'apporter du soutien aux aidants. Et vous avez évoqué cette signature de charte par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Chaynès Khairouni. Qu'est-ce que ça représente cette charte et qu'est-ce qu'elle permet? Alors cette charte, elle va permettre de donner de l'information sur l'association qui s'occupe de tous nos patients et malades d'Alzheimer. Et cette charte, elle va engager le département justement pour aider à la communication, pour faire connaître l'association, pour nous aider lors d'événements tels que la Journée mondiale ou d'autres événements. Donc elle est symboliquement, et pas seulement, mais elle est très importante pour nous parce que le département va être conscient réellement de l'importance du nombre de malades d'Alzheimer sur le département et on va essayer de prendre en charge chacun de notre côté pour être au plus près des familles. Et c'est une reconnaissance pour vous aussi, France Alzheimer 54, qui, vous l'avez dit, 5 ans d'existence. C'est une reconnaissance. Alors, c'est une reconnaissance, oui. 5 ans d'existence, c'était 30 adhérents il y a 5 ans. C'est aujourd'hui plus de 240 adhérents. Donc, ça ne cesse de monter. Non pas qu'il y ait de plus en plus de malades d'Alzheimer, mais les diagnostics sont mieux faits. Et actuellement, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui nous appellent pour adhérer à l'association et pouvoir avoir un second lieu de vie où elles ne seront ni jugées, et elles seront accompagnées de près par nos psychologues, nos bénévoles. Cette signature de charte, ce sera un des temps forts de cette journée place Nelson Mandela à Nancy le 20 septembre, mais il va aussi y avoir pas mal d'animations sur place. Qu'est-ce qui va se passer d'autre à côté? Alors, il va y avoir plein d'animations. Justement, on veut en faire une journée très ludique. Donc, on invite tout le monde à venir nous rencontrer. Il y aura beaucoup de musique, il y aura des groupes de musique, il y aura des groupes de chanteurs. Il y aura un super blind test organisé, il y aura un tournoi de fléchettes de 10h à 19h. Voilà, il y aura des activités. On va finir par une belle séance de sport adapté avec nos super coachs. Donc, n'hésitez pas à passer nous rendre visite. Et puis, vous verrez que finalement, on continue à vivre et dans la joie. On a beaucoup de stands pour les enfants, donc on aura des tire-ficelles, on a un stand de seconde main, on a recréé un petit village sympathique, donc n'hésitez pas à passer. Et c'est aussi l'engagement des bénévoles aussi qui seront salués à ce moment-là? C'est l'engagement des bénévoles qui est salué tous les jours, parce que c'est grâce à eux qu'on tient. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous engager, venez nous voir, on a besoin de bénévoles, on cherche en permanence des bénévoles. Donc surtout, n'hésitez pas à nous retrouver et à essayer d'intégrer notre équipe. C'est ce samedi 20 septembre, donc rendez-vous place Nelson Mandela. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 10h et on commence avec Eko Batukada qui va nous faire un petit peu de bruit depuis la place Stanislas pour nous amener sur la place Nelson Mandela. Pour bien démarrer ce week-end, merci beaucoup Sophie Eva Mazur. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.